accepte bien tes défauts. Mais entends pour moi, jamais je n'aurais pensé que l'amour pourrait s'étouffer. Et dans ma tête c'est la bagarre. Et pourtant y'a toi qui m'a. Quand je pense à nous, dans les regards qui s'en va. Et pourtant y'a toi qui m'a. Y'a toi qui m'a. Y'a toi qui m'a. Et toi qui m'a. Je suis fatiguée de te voir traîner. Se prénomme Sony Dansa Kizomba sur Union Première. C'est dans l'actu, c'est à retrouver dans 10 minutes. On parlera de l'Euro 2016. La France peut-elle aller loin? Retrouver avec les invités de Philippe Dornier. Il est midi à La Réunion. Le journal de la rédaction, Cécile Thomas. Bonjour Cécile. Bonjour Lionel, bonjour à tous. L'homme qui a tiré sur son beau-frère samedi à Saint-Pierre sera présenté au tribunal cet après-midi. Il pourrait être poursuivi pour meurtre. Nous serons en direct du tribunal de Champfleury avec Antoine Garnier pour la justice qui examine d'autres affaires. Aux assises, une affaire de vol et de représailles qui mène à la mort d'un homme. Joël Hérault devra s'expliquer sur les coups qu'il a portés à Maurice Épars. Ce dernier est décédé chez lui en avril 2014. Le cumul des mandats de nos élus, Thierry Robert et Michel Fontaine, vont devoir choisir. Ils ont moins de 30 jours pour se décider. Nous ferons le point avec Lise Ourdel. Et puis la France, première de son groupe à l'Euro de football. Ça valait bien de rester éveillé tard pour les fans. Certains se sont retrouvés au cinéma pour suivre le match sur grand écran. Pas de but, mais une bonne ambiance, nous l'entendrons. Réunion première, Cécile Thomas. Il a tiré avec un fusil sur son beau-frère à bout portant. Le meurtrier présumé devrait être présenté au parquet cet après-midi. Les faits se sont déroulés à Pierrefonds, à Saint-Pierre, samedi soir. Un coup de fusil dans la tête après une altercation violente et un coup de sabre blessé à la tête. Le tireur est allé chercher son fusil pour se défendre, dit-il. Il sera présenté au juge cet après-midi à Saint-Pierre. Il pourrait être poursuivi pour meurtre. D'autres affaires passent aujourd'hui en justice. Antoine Garnier, vous êtes au tribunal de Champfleury. Bonjour. Bonjour. Jeudi dernier, la pharmacie centrale du port était prise pour cible par deux jeunes braqueurs. Ils étaient armés d'un sabre à canne. Ils ont pris le contenu d'un tiroir caisse et ont réussi à prendre la fuite. Mais leur cavale a tourné court. L'un des suspects étant mineur, il sera jugé devant le tribunal pour enfants. Son camarade âgé de 24 ans comparaît en ce moment même devant le tribunal correctionnel de Champfleury. Et Antoine, le juge, explique avec quelle facilité les policiers ont identifié les deux auteurs présumés de ce braquage. Et oui Cécile, il a suffi de quelques minutes aux policiers portois pour déterminer l'identité des suspects, le temps en fait de visionner les images des caméras de vidéosurveillance puisque les deux garçons ont commis ce vol à main armée à visage découvert. Après s'être faufilés derrière le comptoir en bousculant le personnel de la pharmacie, ils se sont emparés du tiroir caisse qui contenait 350 euros. Une employée a tenté de s'interposer mais devant le sabre exhibé par l'un des deux braqueurs, elle a finalement pas résisté. Le tribunal vient de décrire la personnalité de ce jeune homme, qui n'est pas celle d'un caïd, issu d'un milieu familial équilibré. Ce portois a longtemps été le souffre-douleur du quartier, souvent moqué et même malmené à cause de problèmes d'élocution qu'il avait étant enfant. Un jeune homme un peu perdu que son père n'arrive pas à remettre dans le droit chemin. Il est venu le dire au juge ce matin. Néanmoins, son casier qui commence à être garni devrait lui valoir une peine de prison ferme de sûrement au moins 2 ans. Merci Antoine Garnier, je rappelle que vous étiez en direct du tribunal de Champfleury. Aux assises, la cour devrait examiner durant 2 jours une affaire de vol et de vengeance dans le box. Joël Hérault, il comparaît dès cet après-midi pour violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Il s'agira de comprendre comment est mort Maurice Épars en avril 2014 dans les Hauts de Saint-Paul. Le rappel des faits avec Nadine Bachelot. Le 9 avril 2014, le corps sans vie de Maurice Épars est découvert à son domicile du Guillaume vers 10h30. Les hématomes sur le corps et l'environnement familial orientent les enquêteurs sur la piste criminelle. Le quadragénaire était connu dans le quartier pour s'adonner régulièrement à l'alcool et ce, depuis sa séparation avec sa femme en 2007. Il s'enivrait souvent avec ses amis et son frère, qui avait tendance à abuser de sa naïveté et profiter de son argent lorsqu'il percevait le RSA. 5 jours après la découverte du corps, Joël Hérault se présente spontanément à la gendarmerie de Saint-Paul pour reconnaître les violences. Quelles sont les raisons qui l'ont poussé à frapper l'homme ? Il semblerait qu'un vol commis à son domicile par la victime soit à l'origine des coups. Il aurait alors frappé Épars à coups de pied et de poing à la tête, au ventre et sur les jambes pour lui faire avouer le vol. Mais selon lui, la victime était consciente au moment où il est parti. D'après les conclusions du médecin légiste, Maurice Épars est décédé environ 36 heures après les faits. Nadine Bachelot. Une vingtième personne a été tuée sur nos routes. Hier soir, un homme d'une 50aine d'années a traversé la voie rapide à Grand-Anse. Il a été percuté par une voiture qui n'a pu l'éviter malgré l'intervention des secours. La victime a succombé à ses blessures. Les 5 personnes qui se trouvaient dans la voiture ont été fortement choquées. Un stage de jujitsu et de self-défense pour les policiers. C'est en ce moment Eugène Domagata, manager général du jujitsu à la Fédération internationale de judo. 7e Dan est là jusqu'au 25 juin pour assurer cette formation. C'est une initiative qui entre dans l'opération judo citoyen. On écoute Bernard Mussard, il est policier municipal à Saint-Pierre et instructeur. C'est très important parce que nous, on nous demande d'être professionnels sur la République. On ne va pas se comporter à agresser les gens. Non, on est là pour se défendre. Si on peut éviter l'affrontement, on va le faire. Et puis, malheureusement, si on n'a pas le choix, s'il faut appréhender, on va appréhender justement par toutes ces techniques de soumission. Il y a des techniques qu'on connaît, qu'on pratique déjà, mais après, il a une telle aisance, une telle facilité qu'il nous apprend des petites ficelles qui rendent ces mouvements encore plus faciles et plus adaptés. Donc, la pratique nous paraît encore plus facile. Bien sûr, il nous apporte après de choses nouvelles. Donc pour ceux qui sont là, c'est de découvrir en direct. Et puis après, ce seront aussi les ambassadeurs de cette bonne nouvelle. Bernard Mussard, interrogé par Pierre Komorasamy. Au chapitre politique, Thierry Robert et Michel Fontaine vont devoir choisir. Parlementaire, maire et depuis décembre dernier, élu au Conseil régional, les deux hommes totalisent 3 mandats électoraux et ce n'est plus autorisé depuis la loi relative au cumul des mandats votés en 2014. Et le choix va devoir se faire rapidement. Les deux hommes disposent désormais de moins de 30 jours pour prendre leur décision. Lise Wardel. Déjà détenteurs d'un mandat de maire lors de leur élection au régional en décembre dernier, Thierry Robert et Michel Fontaine doivent désormais choisir. La loi interdit en effet aux parlementaires de cumuler 2 mandats locaux. Elle prévoit ainsi un délai de 30 jours pour en abandonner un, à compter de la validation de la dernière élection. Mais voilà, la validation du scrutin régional a tardé. Le député maire de Saint-Leu, Thierry Robert, notamment, ayant déposé des recours contre l'élection de Didier Robert à la région. Des recours finalement rejetés vendredi dernier par le Conseil d'État, qui valide ainsi définitivement le résultat du scrutin. Le délai de 30 jours peut donc commencer. Mais si à son terme, aucun choix n'est finalement formulé, c'est le mandat local le plus ancien qui prendra fin, c'est-à-dire celui de maire. Lise Ourdel est notée que ce soir, Sophie Person recevra Vanessa Miranville, maire de la Possession, devant la réunion. C'est dès 18h15 sur Réunion Première Radio. L'opticien de l'année 2016 est réunionnais, choisi parmi ses 13 000 confrères français. Frédéric Narasiguin a présenté son trophée ce matin à la presse locale, une récompense que le président du groupe Optique Développement a reçue mercredi dernier au Sénat. Propriétaire de 32 magasins de lunettes à La Réunion, Frédéric Narasiguin est aussi vice-président départemental du syndicat des opticiens. Et il a contribué à la création en 2012 d'une école spécialisée à Saint-Gilles-Léaud. 60 jeunes y sont formés. Mais chaque année après une première phase de sélection. Le syndicat d'opticiens définit les besoins de candidats et ensuite il y a une sélection qui se fait. Il y a une sélection au Pôle emploi, il y a une sélection par la Chambre des métiers avec des évaluations et au bout de ces évaluations, ça nous permet d'avoir les personnes les plus motivées aussi pour faire ce métier. Ce sont des contrats d'apprentissage pour certains, pour d'autres ce sont des contrats de professionnalisation, c'est-à-dire ceux qui sont déjà en contrat chez nous, pour d'autres ils passent la VAE. Est-ce que c'est pas un moyen d'avoir une main-d'œuvre bon marché ? Qu'est-ce que vous répondez à ce genre de critique ? Non, disons que là on est sur l'embauche locale. Quand vous avez un jeune dans l'entreprise pendant 2 ans, 3 ans, et puis qu'il fait ses preuves, vous avez envie de le garder au bout de ces 3 ans. En tout cas, tous ceux qui ont eu leur BTS opticien sur La Réunion ont eu un emploi. Frédéric Narasiguin, lauréat du prix de l'opticien 2016 avec Philippe Dornier ce matin sur Réunion Première. Interrogé sur les prix des lunettes, il répond qu'ils sont encadrés depuis le 1er janvier dernier et que la France a la chance d'avoir une qualité de parcours de santé visuelle qu'on ne retrouve pas dans d'autres pays. Fin de citation. On reste dans le domaine de la santé avec cette intolérance alimentaire qui peut être très handicapante, voire dangereuse. En France, on estime que 500 000 personnes sont intolérantes au gluten, mais 80% ne seraient pas diagnostiquées. Ces personnes doivent suivre un régime strict qui exclut les produits contenant cette protéine de céréales. Elles ne doivent plus manger de pain, par exemple. Du coup, 2 sœurs boulangères ont eu l'idée de fabriquer et de vendre du pain et des pâtisseries sans gluten. Qui achète vraiment des produits sans gluten ? La réponse avec Kim Lee Fong-Yong, boulangère pâtissière. Aujourd'hui, parmi les gens qui consomment sans gluten, il y a 3 catégories de personnes. Il y a les allergiques, donc eux, ils sont vraiment obligés de ne pas avoir de traces de gluten parce qu'ils font des réactions très très fortes. Ça peut être des crises cardiaques, ça peut être un coma, ça peut être un œdème de Cuy. Ensuite, il y a les gens qui sont intolérants, comme moi. Donc moi, ça ne met pas ma vie en danger, mais très très vite, il va avoir mal au ventre et puis des spasmes et des ballonnements. Et le troisième genre de personnes, ce sont des personnes qui sont sensibles ou hypersensibles, c'est-à-dire qui ont un inconfort digestifs qui vont gonfler très facilement. Donc ça, ce sont des personnes qui sont sensibles au gluten, qui par expérience se rendent compte qu'elles se sentent mieux quand elles n'en consomment pas. Kim Lee Fong Yong, boulangère, répondait à Suzette Emma. Du sport, et avant de parler football, du handball avec un bleu en vacances à La Réunion. Benoît Kounkoud a passé quelques jours ici, il repartira demain vers la métropole. L'ailier droit du Paris Saint-Germain a profité d'un peu de répit avant d'attaquer une préparation avec les tricolores, préparation aux Jeux Olympiques de Rio. Malgré un titre de champion de France, une sélection pour le championnat d'Europe, le Dionysien n'a pas encore gagné son ticket pour le Brésil. Benoît Kounkoud. On va commencer à la toussure en Savoie, stage de préparation de 10 jours environ, à faire du 23 au 3 juillet. Ça va être un gros travail physique et après on va commencer à toucher un peu le ballon handball, mais surtout un gros travail physique. Après du 6 ou du 5 au 15 juillet, si je ne me trompe pas, on aura un deuxième groupe que va enchaîner. Et l'objectif c'est d'être dans ce deuxième groupe pour pourquoi pas ensuite être sélectionné si l'équipe a besoin de moi dans le groupe. L'objectif c'est de rester le plus longtemps dedans, quoi, de mériter les sélections. Là pour le moment on a été sélectionné pour cette préparation, donc c'est déjà un grand bonheur. Mais bon, comme il dit, il n'a que 19 ans et il a mis des coups, mis à prendre, donc pas pressé, pas d'envie particulière, juste profite de l'instant présent et voilà. Benoît Kounkoud répondait à Olivier Delarichaudie. Claude Onesta, le sélectionneur, se prononcera le 14 juillet prochain. Ils ont ressorti les vuvuzelas. Les supporters de l'équipe de France de football se sont retrouvés pour suivre le match face à la Suisse. Hier, l'horaire était encore tardif, mais ça n'a pas découragé les 200 fans qui ont suivi la rencontre sur écran géant. Le rendez-vous était pris au Cinépalme. La salle de cinéma s'est transformée en stade pour 90 minutes. Dimitri Payet est entré à la 63e minute. Pas de but hier, ni pour le Réunionnais, ni pour ses coéquipiers, ni pour les Suisses. Zéro partout au coup de sifflet final. Cela n'a pas entamé l'humeur des supporters réunis donc dans la salle de cinéma. C'est vraiment, vraiment, vraiment, vraiment surprenant. Il n'y a rien à dire. On s'y croirait sur place. C'est bien chouette ça, on a un grand écran par rapport à la case, un petit écran. Hein. Mais ici, il y a un tas de monde. Après, la case n'a rien que moi avec mon papa, il garde le football. Du coup, mais si vous trouvez toi, tes camarades, vous connaissez un petit peu le football, comment il est. Il y a encore plus popcorn gratuit comme ça. Ben, c'est chouette ça, on a pour boire aussi. C'est mieux qu'à la maison, c'est plus grand et il y a plus de gens et ça va. C'est bien, on est bien placé. Ça va, un bon petit ambiance. Manque un peu plus de monde, ça au moins. C'est bien pour l'ambiance, tout, il y a plein de gens. Ça qui est mieux qu'à la maison. C'est super, l'écran, il est super grand et tout, on a une bonne place, donc oui, c'est super. Des propos recueillis par Olivier Delarichaudie. La France jouera son 8e de finale dimanche à Lyon. Restez avec nous, on parle football avec Philippe Dornier, ses invités, dans un instant. Un point sur l'actu nationale et internationale avec nos confrères de France Info. Et d'abord les élections municipales en Italie. Le mouvement anti-système, mouvement populiste 5 étoiles s'empare de deux villes et pas des moindres. Rome, la capitale, Turin, la quatrième ville italienne à Rome. C'est une femme, Virginia Raggi, qui prend pour la première fois les rênes de la ville. En France, les funérailles du couple de policiers assassinés lundi dans les Yvelines, Jean-Baptiste Salvin et Jessica Schneider, sont inhumés aujourd'hui dans l'Hérault au lendemain d'une nouvelle marche qui a rassemblé des centaines de personnes à Mantes-la-Jolie. Le début d'une semaine de préparation pour les Bleus. Dimanche prochain, ils jouent leur 8e de finale de l'Euro. L'équipe de France, première de son groupe à l'issue du premier tour après un match nul 0-0 contre la Suisse hier soir. Deux matchs aujourd'hui à 21h. Russie, Pays de Galles à Toulouse, Slovaquie, Angleterre à Saint-Etienne. Et c'est aussi le début d'une longue et périlleuse traversée pour le Solar Impulse, cet avion qui marche à l'énergie solaire et qui fait le tour du monde. Il est parti de New York ce matin direction Séville en Espagne. La traversée de l'Atlantique doit lui prendre 4 jours si tout va bien. France Info. L'info revient à 13h. Bonne journée à tous, Chloé et Philippe Dornier pour la suite, bonjour. Bonjour, bonjour Cécile, bonjour à tous. Pas si nul, titre le GIR ce matin après le match entre la Suisse et la France hier soir qui s'est soldé par un score vierge, 0 partout. La France est première de son groupe, mais qu'avez-vous pensé des Bleus ? Moi, perso, je donne un carton rouge à la pelouse, carton rouge aussi au maillot des joueurs suisses, et carton rouge pour le ballon qui a été éventré en cours de match, carton rouge aussi pour Sissoko qui a stoppé le coup franc de Dimitri Payet. Et vous, Philippe ? D'accord pour les trois premiers cartons rouges, mais pas pour Sissoko. Je trouve que c'est le joueur de Newcastle a beaucoup apporté hier soir, assez en tout cas pour qu'on lui pardonne d'avoir bien involontairement détourné cette tentative de Dimitri Payet en fin de match. Retour ce midi sur le match des Bleus, sur leur parcours depuis l'ouverture de l'Euro, et sur les perspectives, puisqu'il y en a. Donnez votre avis au 02 62 99 2000. Réunion première, Philippe Dornier. Un point circulation sur Réunion première à présent avec Dolène de la direction régionale des routes. Bonjour Dolène. Bonjour Philippe et Chloé, et bonjour à tous. Alors un point route très positif, il n'y a rien à signaler. La circulation est fluide sur l'ensemble du réseau routier deux fois deux voies. Donc je ne m'attarde pas plus et je vous souhaite à tous bonne route et puis bon début d'après-midi. Merci Dolène, à cet après-midi. Les inforoutes, c'est sur Réunion première. Météo France prévoit un temps gris pour cet après-midi, un temps gris et particulièrement pluvieux sur une grande moitié l'est de la Réunion, de la Possession à Saint-Joseph en passant par Salazie, les plaines et le massif du Piton de la Fournaise, et vers l'ouest du soleil. Encore un bon ensoleillement pour cet après-midi. Le soleil brillera sans retenue sur toutes les plages de l'ouest de la Réunion jusqu'au sud. Les nuages se développeront dans les hauts, notamment les hauts de l'ouest, et déborderont vers les hauteurs où on attend quelques petites pluies. Le vent d'est-sud-est souffle toujours avec des rafales autour de 60 km/h sur Saint-Pierre et Saint-Denis. Un régime de brise domine aussi sur les plages de l'ouest. Les températures restent fraîches cet après-midi, 10 degrés au volcan, 24 à Saint-Denis. La mer reste agitée, voire localement forte le long des côtes exposées au vent et à la houle de sud-est voisine de 2 mètres qui déferle de l'étang salé à Chamborne. La Réunion n'est pas répoutant, c'est très épilé. Réunion première, ils fêtent la musique. Ce mardi 21 juin, 5 heures de concert 100% local. À partir de 19h, le bal la poussière des Dallons du Carrousel. Groove Lélé, Marmaï la Cour, Destin Maloya, Zanaka Maloya. Ce mardi 21 juin, dès 19h, rassemblés ensemble au bal. La fête de la musique sur Réunion première. Retrouvez les avis de décès tous les jours sur Réunion première. À 5h50, 11h50, 13h50 et 17h50. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuel Obsèque et Complémentaire Santé. Envie de fraîcheur ? Vous avez accueilli ce matin les premiers fournisseurs. Prisca sur Réunion Première. Lundi au vendredi sur les étals des marchés de notre île. Avec vous, 5h45, 6h20, 9h55, 10h28. C'est la fraîcheur. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. À l'occasion de la fête de la musique, Réunion des musées régionaux vous invite à un rendez-vous exceptionnel gratuit le 21 juin à Stella Matutina. De 18h à 20h, ne manquez pas la conférence-concert de l'auteur de référence Jean-Pierre Lasselve. Au programme de cette soirée, présentation des premiers instruments, des musiques traditionnelles et intervention musicale avec la participation du groupe Vavang. Les danses longtemps seront à l'honneur. Quadri, Sega, Polka, Vals, Nora l'ambiance le 21 juin à Stella Matutina. Plus d'informations sur www.museereunion.re. Réunion des musées régionaux, nos musées méritent qu'on s'y attache. Première. 12h17 sur Réunion Première, c'est dans l'actu avec Philippe Dornier et ses invités. Euro 2016, la France peut-elle aller loin ? Elle n'a pas encaissé de but lors des deux derniers matchs, mais elle n'en a marqué qu'un seul avant la 89e minute depuis le début de l'Euro. L'équipe de France défie les pronostics. On s'inquiétait pour sa défense. Elle tient finalement le choc et on la pensait capable de percer bien des murailles. Sauf qu'elle se casse régulièrement les dents sur les dernières lignes adverses. Le match d'hier soir en a été la parfaite illustration. Un nul 0-0 face à la Suisse. Résultat qui suffit pourtant à décrocher la première place du groupe A et donc à aborder sereinement les huitièmes de finale. Une rencontre qui permet à Didier Deschamps de gérer son effectif. Dimitri Payet a dû se contenter d'un rôle de remplaçant, mais il a bien failli, le Réunionnais, débloquer la situation une fois de plus. Peut-on se passer des services du Réunionnais dans le 11 de départ ? Les Bleus sont-ils en train de monter en puissance, comme certains le disent ? Que vous inspirent les gags de la soirée ? Ballon crevé, maillot déchiré, pelouse massacrée ? C'est dans l'actu sur Réunion Première. Midi 13h, c'est dans l'actu. Philippe Dornier. Et on attend vos appels au 02 62 99 2000. Vos questions par SMS également au 06 92 608 335. Et puis n'oubliez pas les réseaux sociaux. La page Facebook, c'est dans l'actu, et le hashtag CDL à première pour Twitter. Avec nous ce midi, Karl Sivat, bonjour. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Rédacteur en chef de Réunion Première Radio. Jismi Ramoudou, bonjour. Bonjour. Journaliste à Télécréole et un entraîneur, David Ferrer, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Coach de la Jeanne d'Arc, un premier tour de table rapidement pour vous demander à tous les trois tout simplement ce que vous avez pensé de cette rencontre entre la France et la Suisse hier soir. Karl Sivat. Je crois que dans un premier temps, je crois que je me suis ennuyé, pour être honnête, parce que j'ai pas trouvé ça intéressant comme match. Je m'attendais à mieux. Alors c'est vrai que j'ai apprécié de voir Pogba beaucoup plus concentré, beaucoup plus appliqué, mais au-delà de ça, honnêtement, je me suis ennuyé. Si vous vous êtes ennuyé en première mi-temps, qu'est-ce qu'on peut dire en deuxième alors ? Ah ben, je crois que c'est copie conforme. Alors, il y a quand même eu, honnêtement, une amélioration du jeu, on va dire, à l'entrée de Dimitri Payet, qui visiblement est le dépositaire du jeu de l'équipe de France actuellement. On va dire que les 20 dernières minutes, on a espéré voir un ballon au fond. Sinon, on a beaucoup rigolé. Il y a eu des gags, des maillots déchirés, ballons crevés. Je ne retiens pas grand-chose de ce match et je ne me satisfais pas d'un tel résultat, un 0-0. On a l'impression que les deux équipes, finalement, ont joué à un 0-0 qui arrangeait tout le monde, au final. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de calculs, Jismi Ramoudou, dans cette rencontre, d'après vous ? Vous êtes d'accord là-dessus ? Qu'il y ait eu beaucoup de calculs, je ne dirais pas, mais je dirais qu'effectivement, qu'à la raison, ça arrange les deux équipes, que ce match soit arrivé au terme des 90 minutes. Maintenant, si on doit décortiquer le match vraiment, et il y a un technicien sur le plateau qui va le faire, mais je trouve qu'il y a eu quelques séquences de jeu. Ne serait-ce que quand ils ont joué en passe courte, quand ils ont essayé de laisser le ballon sur la pelouse, ils ont joué en passe courte, en première intention, les passes, et ça a permis surtout à Pogba d'avoir à partir du rond central, d'avoir de l'espace. Il s'est engouffré et ça montre aussi que les couloirs ne sont pas essentiels. Cette fois-ci, c'est directement à l'entrée du 18 mètres, ça s'est passé, et on l'a bien vu. Quand ils essayent de jouer en passe courte, ils se trouvent. Mais c'est vrai qu'ils avaient aussi en face d'eux une équipe qui avait un double rideau défensif, qui était bien concentré, plus physique d'ailleurs que les Français. Mais ils ont trouvé les solutions. Pogba a trouvé les solutions. Sauf que, et là je pense qu'on en reviendra tout à l'heure là-dessus, c'est que l'équipe de France a une culture, c'est de jouer toujours avec un milieu de terrain. Un milieu de terrain qui puisse faire le piston entre l'attaque et la défense. On l'a vu en 98, on l'a vu en 84, lorsque la France gagne son premier championnat d'Europe. On l'a vu à ce moment-là que Michel Platini, l'équipe se construisait autour de Michel Platini. Aimé Jacquet a construit son équipe pour 98 autour de Zinedine Zidane. Et aujourd'hui, le problème, c'est que pour construire. Vous allez parler de Dimitri Payet. Non, non, non, non. Pour le problème, c'est qu'aujourd'hui, la France a un souci, c'est qu'il n'a pas un homme capable d'organiser le jeu. La France a bien deux joueurs capables d'animer le jeu, Pogba et Payet, mais sauf que si les deux vont jouer ensemble, Pogba va se retrouver au milieu de terrain et Dimitri Payet va retrouver ce couloir gauche où il est plus à l'aise. Alors, on rentre d'entrée de jeu dans un débat technique. David Ferrer, votre analyse globale sur cette rencontre déjà ? Sur cette rencontre, c'est vrai que c'était assez calculé pour les deux entraîneurs, les deux sélectionneurs. Ils savaient qu'il fallait pas perdre pour être qualifié ou essayer d'accéder à la première place, en tout cas pour l'équipe de France. Donc après là, ça va être un tout nouveau, quoi, une nouvelle partie, la deuxième partie là qui va être avec élimination directe. Donc là, ça va changer la donne. Là, c'est vrai qu'il y avait une première partie où c'était un mini championnat. Où là c'était vraiment à calculer, à éviter de perdre le premier match pour bien lancer la compétition. Autant là, maintenant qu'on est qualifié en huitième, ça sera d'autres matchs. L'équipe avait titré hier « Lâcher les freins ». Ils avaient encouragé les Bleus à tout donner, pas calculer. Finalement, ça n'a pas été le cas. Juste un mot, et par rapport à ce qu'ils disaient, Karl Toner, je veux dire, quand on voit la faute qui est commise à la surface de réparation devant Hugo Lloris sur les joueurs suisses, si la France menait 1-0, l'arbitre aurait sifflé le pénalty. Mais comme l'arbitre n'a pas sifflé une main de la surface de réparation en première mi-temps pour la Suisse, donc on voit bien que... Contre la Suisse et pour la France. Contre la Suisse et pour la France, on voit bien que ce match nul-là a vraiment arrangé tout le monde, y compris l'arbitrage. Il y avait pénalty en fin de match, ah oui, David Ferrer. Bien sûr. Il y a dans les textes, c'est toujours l'interprétation. C'est-à-dire que normalement, il faut que ça soit volontaire. Là, bon. Là, il lui tire totalement le maillot. Je veux dire, c'est visible. Ah, le maillot a résisté sur ce coup-là. Hein, c'est un peu exceptionnel. C'est peut-être ça l'indice pour l'arbitre de voir si l'arbitre se déchire ou pas. Non, même l'arbitre, je pense que même l'arbitre a dû avoir ses consignes qu'il fallait un match nul et je pense que ce match nul-là, si Dimitri Payet avait marqué le but, il y aurait eu pénalty en fin de match, ça c'est clair. Bon, ça on peut en débattre. Mais c'était gros comme. gros comme une montagne, pour ne pas en dire plus, mais honnêtement, on a eu l'impression à un moment que tout le monde, finalement, les 27 acteurs sur la pelouse, puisque je compte les 5 arbitres, avaient décidé que le match nul arrangeait tout le monde, et basta. On n'a pas senti cet engagement pour un troisième match où il fallait véritablement aller chercher une victoire, même peut-être les Suisses finalement. Peut-être chez Paul Pogba quand même. Non mais là on parle collectif, collectif. Sur le collectif, il n'y a pas eu cet engagement, cette détermination que l'on peut connaître dans une compétition comme celle-là pour aller décrocher une première place. Les Suisses auraient pu être premiers si ils battaient la France et on n'a pas senti non plus. Non. Honnêtement, non. Ça arrange. Après, il y a le résultat de l'Albanie. Hein. Je pense aussi. Qu'ils étaient au courant la mi-temps du résultat de l'Albanie aussi. Qui fait que ça change tout. Hein. Alors, on a un premier coup de fil. On va prendre la direction de l'étang salé. C'est Patrice qui nous appelle. Bonjour Patrice. Bonjour. Bienvenue sur Réunion Première, on vous écoute. Je souhaiterais intervenir d'abord pour l'Euro. Je veux savoir, pour l'instant, la France n'a pas rencontré des grandes nations. De toute façon, elle sera éliminée en quart de finale à partir de quart de finale. Pour l'instant, elle a accueilli la Suisse, l'Albanie, la Roumanie, ce n'est pas des grandes nations de foot. On jugera la France à partir du quart de finale quand on va rencontrer l'Allemagne, l'Italie ou l'Espagne. Là, on verra la France, le vrai niveau de la France. D'accord, donc d'autre part, parce qu'il y avait un deuxième manche, j'avais compris. J'écoute quand même passer à Réunion Première. C'est bien de s'en occuper de l'euro, de faire la publicité sur l'euro. C'est pas de la publicité, enfin je vous laisse terminer, mais c'est pas de la pub. Voilà du sport à la Réunion, il faut attendre le lundi matin pour avoir les résultats de foot. C'est malheureux, on paye nos redevances et on n'a personne à donner de résultats sur les antennes de Réunion Première. C'est grave. Voilà, alors, merci. Je peux pas vous laisser dire ça parce qu'on donne les résultats de football tous les lundis. On a un championnat qui est de bon niveau. On a des belles équipes. On est en train de parler sur des choses inutiles à la radio, alors qu'on attend des résultats le lundi matin pour voir les résultats. Ça semble pas inutile puisque vous participez au débat, Patrice. Merci. Il y avait des multiplex avant. Il existe même plus. C'est malheureux là parce qu'il y a des multiplex. N'écoute pas la radio le lundi matin. Je suis Dimitri Payet à la télé. Ça fait 10 ans que je le suis. Aujourd'hui, il flambe. C'est tant mieux pour la Réunion. Mais tant mieux pour la France. Mais de là à délaisser le sport à la Réunion sur une radio publique, c'est grave. Merci Philippe, Patrice. Cet auditeur qui est pas un auditeur fidèle visiblement puisqu'il y a un magazine des sports déjà le dimanche soir sur notre antenne de 18h15 à 18h45 où on reprend les résultats de toutes les compétitions et pas seulement du foot. De toutes les compétitions à la Réunion, on parle de foot, de hand et on parle même de disciplines moins médiatiques. On a parlé de gym, on a parlé de pétanque, on a parlé de BMX, donc je crois que et puis si on regarde le JT, on a le tableau des résultats pour le foot, pour la DR. Exact. Monsieur parlait pour la radio. Les résultats sont là, quoi. C'est vrai que si je peux comprendre ce qu'il disait avant, c'est vrai que, et Philippe le sait, que si on revient à 20 ans en arrière, il y avait 4 ou 5 radios qui faisaient des multiplex. Mmh. On en faisait, d'ailleurs, multiplex. Et c'est vrai qu'on parlait beaucoup plus de foot, il y avait beaucoup plus de présence. Je peux comprendre son amertume quelque part. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le contexte économique fait que la plupart des radios ont cessé ces multiplex de foot. Mmh. C'est un débat évident. On peut poser la question à un technicien. Qu'est-ce que vous en pensez à votre niveau? C'est vrai que pour nous. Je rappelle que vous êtes l'entraîneur de la Jeanne d'Arc, David Ferrer. Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai que ça peut manquer. Ça manque quand on voit beaucoup, beaucoup d'images de l'extérieur et qu'on en voit très peu de chez nous. C'est vrai que ça peut manquer. Et puis, si ça existait auparavant et que ça n'existe plus maintenant, c'est surtout ça qui. Ah non, ça a beaucoup existé. Je veux dire, on avait, je crois, jusqu'à 2 ou 3 multiplex par week-end, par radio. Il y avait 2 ou 3 radios qui faisaient. On l'a fait, d'ailleurs, à l'époque. Oui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a plus de multiplex et les gens, quelque part, ils se sentent un petit peu. Abandonné. Et à l'époque. Alors je vais lâcher peut-être une petite info puisque on est déjà en période de mercato et de transition. L'idée serait que si les ligues majeures notamment de Sport Co, réussissaient à s'entendre pour qu'il y ait des matchs, on va aller le samedi 19h30 ou le samedi 20h, ben, Réunion Première retrouverait non seulement les pelouses, mais également les parquets. Voilà, je l'ai lâché, puisque les négociations sont en cours. Voilà, bon, on espère que ça, on espère que ça aboutira. C'est vrai que c'est difficile que tout le monde s'organise. On sait par exemple, le handball, les matchs commencent à 21h15. Alors, on a toujours eu du mal à comprendre cet horaire de 21h15 pour tous les c'est matchs le vendredi soir, mais bon, on nous expliquera sans doute un jour. Alors, quand on faisait les multiplex, il y avait Dimitri Payet dans le multiplex. Et donc, Dimitri Payet, il était sur la pelouse, on va peut-être revenir au match hier soir. Je voudrais juste répondre à ce monsieur qui dit que la France n'a pas d'équipe et que elle devrait perdre en quart de finale. Je pense que déjà, le niveau même de ce chemin d'Europe n'est pas excellent. On voit bien, on voit la Suède avec Zlatan. Il n'y a pas beaucoup de buts. La difficulté. On voit le Portugal avec Ronaldo. Le Pays de Galles a la chance d'avoir Gareth Bale. C'est bien, mais ça, c'est pas pour autant que ça fasse une équipe. Ils ont perdu 1-0. C'est vrai qu'ils ont bien joué contre l'Angleterre, mais ils ont quand même perdu 1-0. On voit bien que ce championnat d'Europe des Nations arrive sans doute à un mauvais moment aussi. On est en fin de saison, on a fini la Ligue des Champions, tout le monde est fatigué, et en plus, on est en plein mercato. Chacun discute de son contrat pour l'année ensuite. On voit bien que Dimitri Payet, il n'a pas ce problème, là, visiblement. Il a re-signé, il a un bon salaire, et ça fait qu'il joue libéré. Ça fait qu'il joue libéré. Pogba aussi joue libéré, il reste à la Juventus de toute façon, c'est pas le problème. Resterait, puisque là, il y a une dépêche qui vient de tomber où des discussions sont entamées par le Real de Madrid avec les représentants de la pioche. C'est vraiment un sacré investissement. Il n'a que 23 ans. Et c'est vrai que c'est un vrai milieu offensif. Les changements opérés par Didier Deschamps, David Ferrer, pour moi, ça me semble logique. Il est dans une stratégie où il prépare son équipe à aller au plus loin possible de cette compétition. Excellent. C'est-à-dire que il a fait les deux premiers matchs où il était dans l'impératif de gagner. Il a mis les 11 qu'il pensait le faire. Et autant sur le troisième, avec la gestion des cartons jaunes, la gestion des joueurs fatigués, la gestion de son effectif, tout simplement. L'avantage, c'est quand même d'abord, ils ont une semaine pour récupérer. Voilà. Ça, c'est un gros avantage. Maintenant, si pour ceux qui ont suivi les trois matchs, je veux dire, il faut quand même regarder que cette équipe de France-là a d'excellentes individualités. Vraiment de très bons joueurs. Et ça, c'est dommage qu'on ne le voit pas. Mais si demain... Alors, je vais vraiment faire de la fiction à ce niveau-là. Imaginez une équipe de France avec en défense Rami, Koscielny, d'un côté Sissoko, de l'autre Kanté. Imaginez au milieu, il y a Pogba, Matuidi et Payet, et en attaque, il y a les 3G, en fait. Gignac, Giroud, Griezmann. Voilà, les trois. Vous voyez, c'est une équipe qui est quand même très offensive et qui est capable maintenant. Est-ce que il y a quelqu'un qui est capable d'animer cette équipe là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable de Dimitri Payet, il est pas un patron pour vous? Non, le problème c'est que on l'a vu sur le premier match, Dimitri Payet anime, mais c'est un buteur aussi. Et à un moment donné, il va se faire oublier. Il va aller dans un coin, il va attendre son heure. Et on l'a vu sur le but contre la Roumanie. À un moment donné, on n'a plus vu Dimitri Payet. Après, il est revenu peu à peu sur un couloir et il a profité pour marquer. Mais c'est contre l'Albanie alors ? Non, contre la Roumanie. Contre la Roumanie. Et c'est là où on voit aussi que c'est un organisateur, c'est quelqu'un qui restera là et qui va pouvoir donner la balle, qui va distribuer, qui va diriger. Le problème, c'est que la France a toujours eu la culture d'avoir un vrai milieu de terrain. Il y a eu le carré magique de 84. Ou je dirais plutôt un vrai numéro 10. Ou un vrai numéro 10. Malheureusement, dans cette génération-là, ou en tout cas dans la structure tactique de Deschamps, il n'y a plus ce numéro 10. Alors, par contre, on a des joueurs qui sont capables de jouer un rôle et de se surpasser et faire un deuxième rôle. Les Matuidi, les Pogba... Voilà, ils sont capables de jouer leur rôle de milieu plutôt relayeur et après se projeter, aller vers l'avant et finir les actions. Et Payet, il est plutôt un finisseur et qu'on lui demande de relayeur, de faire ce rôle de relayeur aussi. Karl Tivat, vous le voyez changer de rôle au cours de cette Euro. Il a déjà eu plusieurs casquettes, Dimitri Payet, finalement. De toute façon, pour l'heure, c'est lui qui porte le jeu. Chaque fois qu'il est là, on lui confie la balle et c'est lui qui organise. Alors, c'est vrai que ça l'oblige à dézoner, à sortir de son rôle premier qui est d'aller scorer, de mettre des buts. Ouais. Et j'aime bien la réflexion de Gismi et ça me remet à quelques années en arrière quand on cherche des solutions stratégiques. Sissoko, arrière droit, pour moi, c'est pour moi, c'est quelque chose que je verrais. Mieux que Sagna. Ouais, honnêtement. Honnêtement, parce que j'ai pas l'impression que l'équipe de France bénéficie, notamment en phase offensive, d'un apport du côté droit avec Sagna, même si il a fait un magnifique centre lors du premier match. Mais sur la durée, sur le contenu, moi, je verrais bien Sissoko occuper le flanc droit de la défense. Comment remanier l'équipe de France pour qu'elle aille loin? C'est dans l'actu ce midi sur Réunion Première. Midi 13h, c'est dans l'actu. Philippe Dornier. Et je vous propose d'écouter la réaction de Dimitri Payet, tiens, juste après le coup de sifflet final. On voulait finir premier ce soir, on l'a fait. Après, s'il y a un bilan à tirer, je pense que de la Roumanie jusqu'à ce soir, il y a eu une montée en régime, c'est plutôt bien. Malheureusement, voilà, il y a eu soit le poteau, soit un peu de maladresse devant le but, mais c'est très encourageant ce qu'on a fait ce soir. On a montré sur ce match-là que voilà, on avait de bonnes bases, on n'a pas pris le but encore ce soir, on n'a pas été spécialement mis en grand danger, donc c'est très bien. On va bien se reposer parce qu'on en a besoin et préparer tranquillement ces huitièmes. J'espère qu'on fera en sorte que cette pression maintenant soit une pression positive pour nous et plutôt négative pour nos adversaires. Transformer la pression négative en pression positive. Jasmine Ramoudou, vous pensez que c'est possible? Et je rappelle à nos auditeurs qui peuvent eux aussi commenter la déclaration de Dimitri Payet au 02 62 99 2000. Cette pression, on l'a vu lors du premier match. On l'a vu sur l'équipe de France. Mathieu a eu du mal à se libérer, à essayer de ne serait-ce que de passer. Bah, tu dis, c'est un excellent milieu de terrain. Et on le voit au PSG, pourquoi? Sauf que au PSG, il a derrière lui Thiago Silva. Il a une défense qui tient la route. Donc, il peut aller vers l'avant. Là, on lui dit plus de jeter un œil sur la défense. Et on en revient au même problème. On sort les joueurs du cadre dans lequel, normalement, ils excellent. Et c'est ça le problème. Maintenant, la pression, on l'a vu, et on l'a vu aussi quand il sort du terrain, Dimitri Payet, il pleure. On voit ce que ça a été cette pression-là pour lui. Mais cette pression-là, elle est constante. Je veux dire, tout joueur de football a cette pression-là. Ronaldo qui tire sur la base d'un poteau sur un pénalty. Rarissime. Hein. C'est, rappelons-nous 86, Guadalajara, c'est ce quart de finale contre le Brésil. Tous les grands joueurs qui étaient sur le terrain ont raté leur tir au but. Platini, Zico. Et c'est vrai que cette pression-là, elle existe. Mais ils sont payés pour ça. Je veux dire, quand on regarde les salaires qu'ils ont, je suis désolé, à un moment donné... C'est pas aussi simple que ça. Évidemment. Après, je pense que ça dépasse le cadre du salaire ou je suis d'accord. Ça va dans le cadre affectif, émotionnel. On porte le maillot d'une nation qui attend des résultats, qui, on sait que ça va fournir du bonheur si on réussit à avoir les résultats escomptés. Je suis tout à fait d'accord là-dessus. Mais encore une fois, combien les gens économisent pendant 2 ans pour pouvoir aller voir ce match-là? 2 ans pour acheter des billets, pour être là. Je veux dire qu'ils payent quand ils achètent le maillot, quand ils achètent le ballon. Je veux dire que le foot a changé de cadre. C'est plus un sport. C'est devenu ce qui était le jeu pour la Rome antique. Et quand on voit Hollande qui se lève, comme Chirac d'ailleurs en 98, il se lève les deux bras. Pas tous les présidents, de façon générale. Non. Hollande, lui, il espère un peu plus quand même. Hollande espère que cette championnat d'Europe, le bon parcours d'équipe de France, lui sert. Comme ça a servi à Jacques Chirac en 98. Et donc, lui, il doit connaître le nom des joueurs, je pense, par rapport à Jacques Chirac. mais c'est pour ça. Je veux dire, ça dépasse la fonction du sportif et de tout ce qui autre que le terrain. Là, c'est vraiment que le terrain. Et ce qui entoure le terrain, c'est le spectateur. Là, le joueur, il est confronté à regarder ce qu'a vécu le Brésil. Oui. C'était des joueurs, comme vous dites, qui sont dans les plus grands championnats, dans les plus grands clubs et donc qui touchent des salaires faramineux. Oui. Mais le cadre d'être sur son terrain, quoi, à la maison. Pour montrer qu'on est les meilleurs, c'est pas si facile que ça. Non, j'ai pas dit que c'est facile. J'ai dit que, à un moment donné, ce sont des professionnels. Ils doivent avoir une conduite, une tenue. On regarde le problème des sextapes. Giroud qui se fait choper quand il emmène une aventure à l'hôtel. C'est vrai que c'est leur vie, on n'a pas trop... Mais quelque part, ils sont regardés, ils sont suivis, on les photographie. Après, je pense que c'est un problème sociétal. C'est-à-dire que maintenant, il y a beaucoup plus de jeunes. Le foot est devenu une affaire sociétale. Ouais, on est en train de se dire que les limites du rectangle vert sont dépassées depuis longtemps. Ouais. Le footballeur professionnel aujourd'hui est à la fois un produit marketing, un référent. Il est suivi sur les réseaux sociaux et puis notamment, regardez, il y a des photographes partout. Et on a entendu sur Réunion Première la maman de Dimitri Payet, Michel Payet, dire ça n'est pas une star, il n'a pas été éduqué comme ça. Ça a un fort écho. C'est une star. Même Coé chante Payet a marqué, il va pleurer. Je veux dire, c'est devenu une star. Rappelez-vous, en 98, les femmes des joueurs dans le stade. Et puis, qu'on le veuille ou pas, je veux dire, aujourd'hui, ne serait-ce que pour sourire, il y a bien un film qui s'appelle Gazon Maudit. Ouais. Même le petit, comment il s'appelle le fils à Dimitri Payet, là, qui est devenu la star de Nao, c'est ça? Ouais. Il a un prénom comme ça. Qui aujourd'hui est relayé sur les réseaux sociaux dans le monde entier. La communication, vous starifie ou peut aussi vous anéantir quand vous faites une bêtise. Et malheureusement, il y a beaucoup de jeunes. Philippe, Philippe, je ne sais pas si tu as vu cette vidéo de ce petit gamin qui tripote le ballon. Aujourd'hui, ce gamin-là, il est suivi par tous les chercheurs de tête des clubs européens. Il n'a pas encore crevé le ballon, lui. Lui, il n'a pas encore crevé le ballon. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces histoires de maillot, de tout ça? Je pense que c'est anecdotique. Anecdotique. Voilà, c'est du matériel. C'est assez incroyable à ce niveau-là qu'on voit les maillots autant déchirés. Ouais. Allemand, oui, voilà. Donc après, ils sont fabriqués d'une ils essayent mais surtout d'une matière où à chaque fois on essaie de trouver le plus léger, que ce soit le plus que ça améliore soi-disant les performances. Mais en fin de compte, on se rend compte que... Le fameux maillot coton de l'époque. Il y avait ça. Il y avait ça et puis la pelouse, donc hier soir, qui était très, très critiquée. Alors, la polémique est sur le fait que, normalement, la France avait préparé les pelouses et il semblerait que l'UEFA ait envoyé son spécialiste refaire les pelouses. Ouais. Ah. En tout cas, hier... Ça remonte à 3 semaines, effectivement, c'est dans les colonnes de l'équipe, en tout cas ce matin. Ouais. Un véritable... on se demande... Marseille l'autre jour, Lille hier, les pelouses sont pas à la hauteur. Je vais faire une mauvaise blague, Philippe. On se croirait à l'élection de Miss Réunion. Écoutez, c'est vous qui le dites. mais c'est un mauvais signal quand même. On est candidat pour accueillir les Jeux Olympiques, des événements comme ça. Non, c'est pas la faute de la France. C'est l'UEFA qui a imposé. Justement, vu de l'extérieur. Ah oui, mais la France aujourd'hui a les moyens de dire c'est l'UEFA qui a imposé. Hein, c'est pas... Et puis quand on voit que, alors visiblement, ça s'est sorti hier dans les journaux, on a repeint la pelouse du stade de Lille en vert pour faciliter les retransmissions télé. Ouais. C'est quand même dingue. Le nombre de glissades qu'il y a eu hier, on voyait les chaussures. Les chaussures, ils avaient des crampons, tout le monde était bien cramponné a priori, mais c'était le lieu de glissade. Quoi. Et en plus, c'est surtout pour Pogba, à un moment donné, il a un bon ballon, quoi, je veux dire. Ça part comme ça, quoi. Il avait beaucoup glissé, Pogba. Même depuis le début de l'Euro. Ce qui est normal, parce que lui, c'est le plus grand. Donc, son centre de gravité étant plus haut, et c'est normal que c'est lui qui tombe le plus. Avec une photo qui est dans pas mal de journaux ce matin, sur le dos de son acrobatie sur le dos de son adversaire. Mbolo. Voilà, c'était très spectaculaire. Ouais. On a parlé de Dimitri Payet, qui est dans les gagnants, si on peut faire une liste des gagnants et des perdants. C'est qui les autres gagnants, finalement, de ce premier tour côté tricolore dans l'équipe? Qui a marqué des points, David Ferrer? Après, par exemple, Kaba, il a fait une belle sortie, quoi, un bon match. Il y a... Sissoko, Kanté s'est imposé également. Non, mais je pense que l'effectif, comme il disait Didier Deschamps, il est prêt à aller au bout, je pense. Je pense que les joueurs... S'ils se lâchent maintenant, c'est ça, c'est maintenant se lâcher. Maintenant, de toute façon, il n'y aura qu'un gagnant à partir des huitièmes. Donc maintenant, s'ils jouent les matchs pour les gagner et qu'ils vont vers l'avant, comme ça s'est passé dans des séquences de matchs où dès qu'on a vu que les Français défendaient en avançant, allaient provoquer l'adversaire, allaient dans le camp adverse, qu'ils étaient très dangereux. Et après, on a des individualités devant qui sont capables de faire la différence. Mais je reste sur ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que d'abord, la France a toujours cette culture de jouer en... passe courte, en triangle, en première intention. Si la France maîtrise le milieu de terrain, elle garde la balle, elle peut vraiment faire de très bons matchs. Le contre l'Albanie, on était très très loin de ça. C'était des passes latérales, on revenait en arrière, on mettait 3 heures à passer le milieu de terrain quand même. Et l'attaque, il y avait un boulevard, je veux dire, il y avait près de 30 à 50 mètres d'espace entre les deux. C'est de longs ballons qu'on envoyait comme ça. Pourquoi Dimitri Payet est important à ce dispositif? Parce que les centres arrivent toujours sur les côtés. C'est-à-dire que si on utilise des couloirs, et là, Evra, c'est pour ça qu'Evra est maintenu toujours sur la feuille de match, envers et contre tous, parce que il joue dans les couloirs. Alors qu'on est, on n'a jamais joué comme les Anglais. Les Anglais utilisent des couloirs et font des centres latéraux. La France est toujours passée par le milieu. Et on l'a vu à Pogba. Pogba prend l'axe et il descend et il joue. Mais si on n'arrive pas à revenir sur nos fondamentaux. Mais le centre de Rami, lorsque Giroud marque de la tête, c'était quand même côté droit. Il y a eu le centre de Payet également. Ça vient toujours sur les côtés. Ouais. Ouais, c'est bien ce que je viens de dire. C'est que ça vient sur les côtés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on déserte le milieu de terrain. Et on aura ce problème-là. Pogba l'a montré. Pogba a animé le jeu pendant un moment. Pendant un petit minute, un quart d'heure. Après, il a disparu. Comme l'a pu faire Payet à un moment donné, parce qu'ils ont envie de marquer. Après, il y a aussi le fait que toutes les équipes qu'on a rencontrées, surtout dans cette phase de poule, où l'objectif, c'était avant tout éviter de perdre, donc éviter de prendre des buts. Ouais. Quand vous voyez les équipes qui sont organisées, que ce soit l'Albanie, ou même après les autres les soi-disant petites nations, ben, elles ont cette culture, elles se sont beaucoup améliorées dans au niveau tactique, où elles défendent très bien, elles défendent bas, donc elles donnent très peu d'espace. Elles sont physiques. Elles sont physiques, elles sont athlétiques, elle laisse très peu d'espace à son adversaire, donc qui fait que c'est compliqué. Maintenant, je pense que les matchs seront plus ouverts parce qu'il faudra aller gagner. Carl Silva, éviter de perdre, on entend ça, jouer pour éviter de perdre lors de cette première phase. Est-ce que ce n'est pas une philosophie à chambouler tout ça? Est-ce qu'il ne faut pas un peu faire plaisir à ses supporters davantage? Non, je pense qu'un coach à la tête d'une équipe, et David pourra nous le dire, pense résultat. Voilà. Le résultat à l'issue du premier tour, c'était d'être qualifié pour les huitièmes. Et je pense que tout coach, qu'il soit au foot, au hand, au basket, pense au prochain tour. Là, en huitième, on n'aura pas d'autre choix, si on veut continuer l'aventure, quelle que soit l'équipe, que de jouer pour gagner. Je pense que ce sera beaucoup plus ouvert. Non, on pense pas. On pense d'abord au résultat. Le beau jeu, tout entraîneur aimerait gagner avec de magnifiques phases de jeu. Tout comme entraîneur. Celle d'hier soir, qui tout s'est terminée sur la transversale, ce tir exemple, de Dimitri Payet, ça aurait été le plus beau. Par exemple, ça aurait été certainement le... Mais quand on regarde le premier match, le meilleur joueur, ça a été Dimitri Payet. Et c'est lui qui a joué le plus libéré, sans calculer. Donc finalement, s'ils se mettent tous au diapason, c'est pas possible ça? Si. Et je pense que ça va arriver. Non, ça n'est pas possible. Pas d'accord. On peut pas. 11 joueurs d'une même équipe ne peuvent pas jouer comme Dimitri Payet a joué. C'est vraiment. Chacun dans son registre, bien sûr. Voilà. Chacun dans son registre. Libérer comme Dimitri. Voilà, libérer. S'ils jouent tous libérés comme Dimitri, chacun faisant leur rôle à leur meilleur niveau. Là, on aura une très belle équipe de France. Parmi les flops, Philippe tout à l'heure parlait qui a gagné des points ou pas. Moi, je trouve que parmi les joueurs qu'on n'a pas encore vus, et tout à l'heure, on en parlait, moi, je crois que Matuidi, on ne l'a pas encore vu. Non, c'est la plus grosse déception. Ouais. Mais vous pensez qu'il va se réveiller, Blaise Matuidi? Oui. Parce qu'avec le PSG, il a fait une grosse saison. Il a fini un peu essoufflé sous le maillot parisien, quand même. Il est là, le problème, c'est qu'on parlait des compétitions qui sont à rallonge. Maintenant, les joueurs, vous voyez Griezmann qui a fait plus de 60 matchs. Et puis ça va pas s'arrêter, je pense que ça va continuer. Autant avant, il y avait une gestion, les clubs, entre parenthèses, c'est pas sacrifier certaines compétitions, mais faisaient tourner leur effectif tout au long de l'année, que là, Pampa Atlético, il a joué tous les matchs. Que ce soit la Coupe de la Ligue, la Coupe d'Espagne, la Ligue des Champions, il a tout fait. Les compétitions s'accumulent et on en rajoute toujours. Maintenant, il y a trois trophées en métropole. Il y a le titre de championnat, il y a la Coupe de France, il y a la Coupe de la Ligue. Et puis il y a la Coupe d'Europe à côté pour ceux qui ont la chance de la disputer. Voilà. Qui ont la chance, pas forcément, parce que quand on prend des équipes comme Saint-Etienne, qui vont jouer la Coupe d'Europe, la Ligue Europa, eux vont commencer très tôt. Dès juillet. Voilà. Être une chance de jouer la Coupe d'Europe. On a du mal à entendre ce discours. Après, une fois qu'on joue la Coupe d'Europe, il faut avoir les reins assez solides, effectivement, l'effectif qui va avec. Par contre, là, je suis désolé pour les coachs. Après, j'aimerais être à leur place parce que malheureusement, je suis à un niveau beaucoup plus bas. Mais quand vous faites un championnat que vous vous battez pour arriver aux places européennes, et que l'année d'après, vous vous dites, ouais, mais non, mais ça m'intéresse moins et tout, bah, pourquoi vous faites le championnat, quoi? Vous en avez des futurs Dimitri Payet à la Jeanne d'Arc? Oui, non, c'est vrai qu'il y a, bah, je pense que dans le fou, on a de la chance à La Réunion. En tout cas, moi, depuis que je suis revenu à La Réunion, il y a des, vraiment des très, très, très bons jeunes. Après, c'est de bien les former, essayer de les envoyer au bon moment. Parce qu'on a, par exemple, on a vu avec Dimitri que, avec, bah, on en revient au niveau sociétal où, si on les envoie trop tôt, c'est peut-être pas bénéfique. Mais de bien les former, de les envoyer au bon moment, à peut-être à, dans certains clubs aussi qui se rapprochent plus de la manière de vivre ou de la mentalité créole. Et après. Les clubs méridionaux. Plus. Voilà, on va dire ça. Tiens, ouais. Puisqu'on parle du jeu anglais, pourquoi Dimitri Payet s'éclate à West Ham? Parce qu'il est dans un registre. Ça correspond à son style de jeu. À son style de jeu. Tout bah, après, c'est. Ouais. Box to box, comme on dit là-bas, c'est que voilà, on joue pour gagner, on joue pour aller vers, pour aller marquer. Qui met une stratégie autour de Dimitri Payet. Voilà. Ouais, exactement. Ouais, ouais. Que Bilic a construit une équipe pour Payet en Angleterre. Bah, encore une fois, on revient, on construit une équipe autour d'un homme, autour d'un axe de jeu, le milieu généralement. Et là, pour l'instant, Deschamps, il sait pas très bien sur quoi il va. Bah, je pense qu'il s'était basé sur ce mutin. Il pensait, il avait fondé beaucoup d'espoir sur bah, Otebar, Lassana Diarra, Matuidi et surtout Pogba. Ouais. Malheureusement, ils ont du mal à enclencher. Et puis il y a l'émergence de Payet. Hein. Voilà, l'émergence de Payet qui a rebattu les cartes. Les cartes ont été rebattues. Ouais, tout à fait. Et après, surtout, bah, le Griezmann aussi qui avait fait cette année spectaculaire avec l'Atletico. Mais ça nous amène à cette conclusion. De très belles individualités. Mais le collectif n'est pas encore là. Il n'est pas là, on l'a pas trouvé en fait. Oui, il reste à trouver. À trouver le lien qui va faire que ce soit une équipe qui monte et une équipe qui défend en même temps, quoi, qui descend et qui défend. En tout cas, rendez-vous à Lyon pour les huitièmes de finale dimanche prochain. Ce sera à 19h, heure de la Réunion, avec ce match à venir. Et on ne connaît pas encore l'adversaire. Ce sera un des meilleurs troisièmes d'un autre groupe. Donc on attend que ces groupes se décantent. Il ne faut surtout pas qu'on croie que parce que ce sera un troisième de notre groupe, que c'est gagné d'avance. Ah, c'est des équipes qui jouent à la vie à la mort. Ce sera la vie à la mort. On a vu l'Albanie finalement qui bat la Roumanie hier soir, par exemple. Voilà. N'oublions jamais que contre le Paraguay, en huitièmes de finale, en 98, on est parti aux prolongations. Voilà. Et on a eu Laurent Blanc qui a marqué le but. On a eu très chaud tout le long de cette Coupe du Monde 98. Mais c'est vrai qu'il y a des similitudes qui font penser que peut-être, on peut aller tout au bout. Merci Karl Sivad, Jismir Amoudou et David Ferrer d'être venus refaire le match après ce France-Suisse. C'est dans l'actu demain, l'économie musicale à l'occasion du 21 juin, la fête de la musique, une fête qui a déjà démarré dans de nombreuses communes de l'île. L'occasion de s'interroger sur la place de la musique pays dans les magasins spécialisés. On parlera aussi des différents moyens de diffusion. Il n'y a pas que le CD dans la vie, il y a le net aussi. Et puis des difficultés d'argent que peuvent rencontrer les artistes réunionnais. Franchement, est-ce que c'est sérieux tout ça? Qu'est-ce qui est sérieux, de dire ça ou de dire? Comment le prouver? Combien financièrement ça changerait quoi? Ces stades de foot, c'est payé par de l'argent public. Qu'est-ce que vous lui dites ce matin au président de région? Je dis à ce président de région. L'invité de la matinale à 7h15, c'est l'interview qui fait l'actualité. Politique, syndicaliste, responsable associatif, à 7h15, ils répondent à mes questions. Sur Réunion Première. L'invité de la matinale demain, Danielle Lenormand, 8e vice-présidente de la région Réunion. Poussez les portes du conservatoire Rayonnement Régional. Elles vous seront ouvertes du 20 au 25 juin à Saint-Benoît, Saint-Denis, Saint-Paul et Saint-Pierre. Vous y découvrirez les nouveautés de la rentrée, la danse africaine et afro-cubaine dès 11 ans et redécouvrirez les danses traditionnelles de la Réunion, maloya, séga, quadrille. Toutes les informations sur ces portes ouvertes et les préinscriptions sur le www.conservatoire.regionreunion.com. Nutracini rayonne au conservatoire. Excellent après-midi avec Réunion Première et Chloé jusqu'à 15h et France Info dans 8 minutes pour toute l'actu nationale et internationale. Merci Philippe Darnier, bel après-midi à vous sur Réunion Première. Ah, j'ai construit. Saint-Félix, il fait tout ça, moi le ciel. Comme un bon sans patience qui attend son appel. Parce qu'elle il est tellement secret, tellement joli au naturel. Girl, où est mon essentiel? Plus que ça, mais fais pas si que ça. Amant ou ami, il faut nous prendre une décision sans vie. Parce que tout le monde plan de nuit, moi m'y fais plus que ça. Oui, nous vaut bien plus que ça. Ma colle à où tous les soirs, c'est pour entendre ton voix. M'imagine à où tes habits dessous mon toit. Oh, ma baby. dirait déjà ce jour quand nous t'es où nous sera quoi. Ça finit, ça s'activer, il fait tout sa main le ciel. Comme un bon sans patience, m'y attend son appel. Parce qu'elle il est tellement sucré, tellement joli au naturel. Girl, voulez-moi l'essentiel. Ça finit, ça s'activer, il fait tout sa main le ciel. Comme un bon sans patience, m'y attend son appel. Parce qu'elle il est tellement sucré, tellement joli au naturel. Girl, voulez-moi l'essentiel. T'as dit pas lui fait ton boum, boum, boum. Poutez mon calife et boum, boum. Pour nous vivre chaque instant, intensément. Mon délire vroom vroom vroom. Pour moi où les trop sweet, c'est toi ma friandise. Dans l'océan Indien, les femmes sont tellement belles qu'elles nous font une saison. S'activer, il fait tout sa main le ciel. Comme un bouc sans patience, m'y attend son appel. Parce qu'elle il est tellement sucré, tellement joli au naturel. Girl, où les mots l'essentiel. Patience, m'y attend son appel. Parce qu'elle il est tellement sucré, tellement joli au naturel. Girl, où les mots l'essentiel. Moi, elle est décidée. Un rendez-vous est cool. Chante pas. Mais plus que ça. Paris avec la plage. Plus que ça. Faut pas nous cœur du fan. Mais pas plus que ça. Amant ou ami, il faut nous prendre une décision sans vie. Parce que tout le monde plan de nuit, moi, m'y vais plus que ça. Oui, nous vaut bien plus que ça. Ça fait l'hiver, il fait tout sa main le ciel. Comme un bon sans patience, m'y attend son appel. Parce qu'elle il est tellement sucré, tellement joli au naturel. Girl, où les mots l'essentiel. Ça fait l'hiver, il fait tout sa main le ciel. Comme un bon sans patience, m'y attend son appel. Parce qu'elle il est tellement sucré, tellement joli au naturel. Girl, où les mots l'essentiel. Enfant, il m'a fallu des années-lumière Joyce, Jonathan Caractère sur Réunion Première. Nous ferons un point météo juste après l'information avec France Info. Il reste un peu de soleil sur la Réunion ce midi. Il y a beaucoup de soleil dans l'ouest en ce moment. Le soleil brille, mais attention, Météo France prévoit une nuit fraîche ce soir. La nuit s'annonce encore fraîche avec des températures minimales autour de 8 degrés ce soir au fond des cirques de l'île de la Réunion et tout au plus 19 degrés attendu sur le littoral de la Réunion et côté vent, même si ce vent baissera un peu, il restera soutenu et la mer localement agitée à forte dans quelques secondes. L'information avec la rédaction de France Info. À la Réunion, France Info. Bonne fin de matinée à l'écoute de France Info. Il est 11h. Un nouveau journal avec Agnès Soubiran. Bonjour Agnès. Bonjour Marie, bonjour à tous. Dernier jour de campagne en Grande-Bretagne, à 3 jours du référendum sur le maintien au sein de l'Union européenne, de l'immigration à la souveraineté, en passant par l'économie, chaque camp fourbit ses arguments. Une campagne suivie de près par les partisans du Brexit en France, notamment. Nicolas Dupont-Aignan espère que ce référendum servira d'électrochoc, nous allons l'entendre. L'Europe version foot, avec au lendemain du match nul de la France face à la Suisse, 2 rencontres à suivre dans le groupe B, dont un match à risque ce soir à Toulouse, Russie-Pays de Galles. À suivre également le coup de la grève alors que le trafic est de nouveau normal ce matin à la SNCF. Et puis hommage à Jacques Chirac, le fervent amateur des civilisations premières, avec une exposition qui célèbre également les 10 ans du musée du Quai Branly. Nuages et pluie au nord, soleil sur le sud, les températures grimpent un peu, 30 degrés attendus cet après-midi à Alès dans le Gard, il fera 25 à Lyon et Marseille, 19 à Paris, 17 à Lille. France Info. Agnès Soubiran. Toute sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne serait irréversible, met en garde ce matin le chef de la diplomatie britannique, alors que la campagne pour le référendum reprend. Le Parlement britannique doit rendre hommage aujourd'hui à l'un de ses membres les plus brillants et les plus prometteurs, selon les mots du Premier ministre David Cameron. L'ombre de Jo Cox, tué jeudi dernier par un homme proche de l'extrême droite, plane désormais sur cette campagne. Le camp du maintien de la Grande-Bretagne dans l'Union est de nouveau en tête dans les sondages, et le référendum est donc suivi de près par les capitales européennes et notamment Paris. Nicolas Dupont-Aignan, député maire de Hyères dans l'Essonne et président de Debout la France, prône lui une réforme de l'Union européenne. Quel que soit le résultat, l'Angleterre sera plus forte. Moi, je souhaite le Brexit pour accélérer la réforme profonde de l'Union européenne, car on ne peut pas continuer à subir une organisation qui, à ce point, affaiblit l'Europe et détruit nos nations. Ce qui est fascinant et effrayant, c'est qu'au lieu de renégocier, au lieu de s'interroger, cette machine continue. Ils ont négocié le traité avec la Turquie de libre circulation sans visa des citoyens turcs. Ça va s'appliquer le 1er octobre. Ils sont en train de négocier secrètement le traité transatlantique qui va détruire tous nos terroirs. Je voyais dans le journal que la Commission vient de poursuivre la France pour le maintien d'un SMIC pour les chauffeurs routiers en France. Mais jusqu'où on va aller ? Donc, alors, si c'est un moyen de dire stop et de retravailler, moi je ne suis pas pour une sortie, je suis pour une renégociation. Nicolas Dupont-Aignan dans le 6-9 de France Info ce matin. En Italie, c'est un échec cuisant pour le parti démocrate de Matteo Renzi aux élections municipales et une victoire écrasante pour le mouvement 5 étoiles du populiste Beppe Grillo, avec notamment la ville de Rome, remportée aux la main par une avocate de 37 ans, qui devient la première femme à diriger la capitale italienne, Virginia Raggi. Victoire du mouvement anti-système également à Turin. Le Parti démocrate arrive à conserver Milan et Bologne. L'Europe version football avec l'Euro 2016 et 2 rencontres à suivre ce soir. Slovaquie-Angleterre à 21h à Saint-Etienne et au même moment Russie-Pays de Galles à Toulouse. Match décisif dans ce groupe B. Et cette rencontre a été classée 3 sur 4 sur l'échelle des risques de hooliganisme. Le préfet a donc renforcé le dispositif de sécurité avec 600 gendarmes et CRS qui s'ajoutent aux 1500 déjà présents et d'autres mesures ont été prises à Alain Gastal. Dans un périmètre qui va du stadium à la place du Capitole ainsi qu'autour de la gare, le préfet a interdit toute vente à emporter et toute consommation d'alcool sur la voie publique. L'utilisation de bouteilles en verre est également proscrite. Les cafetiers devront donc distribuer des gobelets en plastique. Ils devront aussi retirer leurs terrasses ou sinon sceller tables et chaises au sol pour qu'elles ne servent pas de projectiles. On attend 10 000 supporters de chaque camp, dont 150 hooligans russes, qui, contrairement aux bruyants mais pacifiques supporters gallois, ne sont pas encore arrivés. L'entraîneur russe s'est déclaré certain qu'il n'y aurait plus d'incident, car, dit-il, les bonnes mesures ont été prises après Marseille. Rappelons que 3 hooligans avaient été condamnés à de la prison ferme, une vingtaine d'autres expulsés, mais parmi eux, aucun n'avait été signalé comme fauteur de troubles par les autorités de Moscou. Toulouse, Alain Gastal, France Info. Rappelons également le match nul des Bleus hier face à la Suisse, 0-0. Un match regardé par plus de 13 millions de téléspectateurs, ce qui permet à M6 de réaliser son plus gros score d'audience depuis sa création en 1987. Il est 11h05 sur France Info, c'est l'ultime hommage. Une cérémonie se déroule en ce moment sur la place de la mairie de Pézenas en mémoire de Jean-Baptiste Salvin, originaire de cette petite commune de l'Hérault, et de sa compagne Jessica Schneider, tuée lundi dernier dans les Yvelines. Durant toute la semaine, les hommages, marches blanches et cérémonies officielles se sont succédées pour rendre hommage à ce couple de policiers assassinés par un homme se réclamant de l'État islamique. Le couple sera ensuite inhumé dans le petit cimetière de Montagnac. Le procès de Fabienne Cabou s'est ouvert ce matin devant la cour d'assises du Pas-de-Calais à Saint-Omer. Cette femme de 36 ans qui, un soir de novembre 2013, a déposé sa petite fille de 15 mois sur une plage de Berck alors que la marée montait. L'enfant endormi a été emporté. Ce sont des pêcheurs qui ont retrouvé le corps d'Adélaïde le lendemain matin. D'origine sénégalaise, Fabienne Cabou est une femme intelligente selon les experts, mais aussi très seule et se disant sous l'emprise de la sorcellerie. Le rôle de son compagnon sera également au centre des débats. Le verdict est attendu vendredi. Les intempéries de ces dernières semaines laissent des traces et la situation est toujours critique dans de nombreuses exploitations agricoles. En Lorraine, par exemple, une semaine après les inondations, des vaches sont à l'étable car les pâturages et les champs sont impraticables. Un nouveau coup dur pour une profession déjà éprouvée financièrement. En Meurthe-et-Moselle, selon les premières estimations du syndicat agricole FDSEA, 4000 hectares de surface agricole vont subir des pertes liées aux inondations. Un manque à gagner qui n'est pas encore chiffré, mais les éleveurs parlent d'ores et déjà de catastrophe. Reportage d'Isabelle Baudrier chez un éleveur bovin et céréalier à Marinvillers, au sud-est de Nancy. Est-ce un pré ou un étang ? Difficile de faire la différence. Et là où ces vaches laitières pâturent d'habitude au printemps, Étienne Villemain mesure 80 cm d'eau. Les bêtes sont donc cloîtrées dans l'étable, comme en hiver. Je suis installé depuis 79 et c'est la première fois que je vois ça quand même. Normalement, ils sont sortis pour le 15-20 avril. Et là, je les ai sortis un peu en avril, je les ai sortis un peu en mai et puis là, je les ai rentrés en juin. Toutes les pâtures sont sous l'eau, puis là, l'herbe n'est plus consommable, quoi. On sort d'une année sèche où les stocks étaient un peu limités. Et là, maintenant, je suis en train d'attaquer mes stocks, ce qui me reste, quoi. Si ça continue encore 15 jours, j'ai plus rien à manger. Un véritable coup dur pour cet éleveur qui, comme beaucoup d'autres, peinait déjà à boucler ses fins de mois. Ça s'ajoute surtout à une situation économique très compliquée. Vous savez que l'année dernière, on a demandé les années blanches, on a demandé des reports, on a demandé des aides pour l'achat de nourriture. Là, même si on nous donne des aides, ça ne comblera pas le déficit des exploitations agricoles financièrement. Le dossier de calamité agricole a été déposé. En Meurthe-et-Moselle, la FDSEA estime qu'un tiers des surfaces agricoles sont concernées par des dégâts dus aux inondations et à l'excès d'eau. Le reportage d'Isabelle Baudrier. C'est la fin de la grève à la SNCF. Le trafic est à nouveau normal ce matin après plus de 15 jours de perturbation et avant une nouvelle journée d'action le 23 juin. C'est donc l'heure des comptes, Delphine Simon, et la note sera lourde selon la direction. 20 millions d'euros par jour, plus de 300 millions au total à la SNCF. La facture est salée. L'entreprise voit aussi s'envoler ses espoirs de plusieurs dizaines de millions d'euros de gains de productivité. Du côté d'Air France, le coût des 4 premiers jours de grève s'élève, lui, à 40 millions d'euros en attendant un deuxième préavis en fin de semaine. Il y a aussi l'impact sur les entreprises. A priori, les mouvements sociaux devraient peu peser sur l'activité du deuxième trimestre, explique l'INSEE dans sa note de conjoncture, sauf dans les raffineries, où les blocages vont peser sur la production manufacturière. Dans ce secteur, certains évoquent des dizaines de millions d'euros de perdus, mais il y a aussi des gains avec les craintes de pénurie. Les automobilistes se sont rués sur les pompes à essence, ce qui a provoqué une hausse des prix, un phénomène qui a duré 2 semaines, selon les chiffres de la DGEC. Cette hausse est censée refléter les coûts supplémentaires de logistique, des coûts que les pétroliers ont donc répercutés pour partie ou en totalité. Par ricochet, c'est donc l'automobiliste qui a payé une partie partie de la facture. Des perturbations dans les transports en commun à Nantes ce matin. Après le saccage d'un tram dans la nuit de samedi à dimanche, les salariés ont fait valoir leur droit de retrait. Résultat, aucun tram ce matin. François Hollande inaugure ce soir l'exposition Jacques Chirac ou le dialogue des cultures consacré à l'ancien chef de l'État au musée du Quai Branly. Cette exposition a pour ambition de mettre en lumière le cheminement intellectuel de l'ancien président, amoureux des cultures asiatiques et en particulier du Japon. Le musée du Quai Branly fête cette année ses 10 ans et va être rebaptisé pour l'occasion Musée du Quai Branly Jacques Chirac en l'honneur de son fondateur Jean-Jacques Ayagon, ancien ministre de la Culture et le commissaire de cette exposition. C'est un musée qu'il a intensément voulu et dont il a annoncé la création dès son élection à la présidence de la République en 1995. Un musée qui incarne également